possible, celle de l'espoir. Tu désespères, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, voilà tu vises et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Car l'espoir, y'a pire ailleurs. Repense-y quand tu te dis que demain tu te tires ailleurs. D'ailleurs, sur les rails de la vie, beaucoup de trains ont déraillé. J'avoue qu'il y a bien plus qu'une seule raison de brailler. Mais pense déjà à ceux qui ont besoin du braille, à ceux qui dans la rue se caillent et rêvent de se tailler. On a tous des problèmes, mais faut relativiser. Quand toi tu ris, certains se font braquer et viser. C'est abusé, on vit dans un sale monde, mais garde l'espoir. Même quand tout s'effondre, dis-toi qu'ailleurs c'est pire, t'as de la chance. Quoi qu'il arrive, pense un peu à ceux qui lancent de vrais appels au secours, vivant entre les balles et les rations de l'ONU, crevant la dalle comme tu ne l'as vraiment jamais connu. Tu désespères, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Tu désespères, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Ma vision n'est pas apocalyptique, suis ma dialectique. J'ai des potes diabétiques qui tous les jours se piquent. Un monde en l'ambiance électrique, partout autour de toi. Alors s'te plaît, relativise et ne te plains pas. T'en connais qui ont le cancer, qui tous les jours vivent la galère. Alors que toi tu pleures pour te payer cette paire. Et quand j'opère, tu vois la différence. Comment les points de vue diffèrent entre une vie à besoin et une vie à envie. J'avoue que j'ai souvent ce même état d'esprit, mais très vite je relativise et pense à tous ceux qui prient dans le besoin, prient à l'église ou se mettent ivres à la tisse sans même dire à la tienne. Mais oublie que le malheur ça l'attise et au final ça empire. Désespère, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Tu désespères, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Regarde-moi, toujours en garde, on s'égare et on s'écarte. Perdu sans carte, mais garde l'espoir. Pense aux autres, à tes semblables les hommes, au continent décimé par le sida ou autre fléau. Là où il fait beau, tu passes tes vacances, te plaît encore le verre plein de glace. Là où les gens vivent avec moins d'un euro par jour, sont prêts à tuer pour ta Clio roule. Mais tu voulais l'Audi, triste mélodie, mêlée de mélancolie. Mêli mélo dans mes mots, mollo, relativise ta misère. On vit dans une salaire, mais à divers degrés, c'est mon constat, accepte-le, de force ou de gré. Si tu regardes autour ou à côté, certains ont de réelles raisons de pleurer, de pleurer. Désespère, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir. Tu désespères, mais garde espoir, c'est la misère. Et partout sur terre, autour de toi, retourne-toi, relativise et vise la bonne cible, celle de l'espoir.